Document 3, page 90. Asseyez-vous, mademoiselle. C'est pourquoi ? J'ai perdu mon passeport. Quand ? Aujourd'hui. Vous êtes sûre ? Oui, ce matin. Je suis allée à la poste pour chercher un paquet que mon frère m'a envoyé et j'ai dû montrer mon passeport au guichet. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Je suis passée à la banque pour retirer de l'argent. Vous avez peut-être laissé votre passeport là-bas ? Non, j'ai téléphoné à une employée que je connais et elle ne l'a pas vue. Et ensuite ? Je suis allée à l'université pour rencontrer une amie que je vois tous les lundis. On a pris un café et quand j'ai cherché mon porte-monnaie qui est toujours dans mon sac, je n'ai pas vu mon passeport. Alors je suis venue au commissariat. Comment êtes-vous allée à l'université ? En bus. Quelqu'un a peut-être volé votre passeport dans le bus. Oui, peut-être. Bon, on va faire une déclaration de perte que vous allez porter à la préfecture pour demander un nouveau passeport. Votre nom ?